peu maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit DJ Amida. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, DJ Amida, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour un nouveau Planet Rap avec DJ Amida qui est là. Comment ça va? Très très bien. Et toi? En pleine forme. Ça sent. J'étais en train de dire juste avec Emeric auparavant, ça sent bon l'été quand t'arrives. Direct. Ça sent la patate. Ah, ça sent bon l'été avec ce projet qui sort aujourd'hui, qui est déjà, bah, comme le dit le titre, numéro uno. C'est ça. J'ai vu ça, t'es déjà numéro 1. C'est bien. Ça fait plaisir, non? Ouais, ça fait très bien. En téléchargement plaisir. Pour l'instant. Ouais. Parce qu'on n'a pas encore les ventes physiques. Ouais. C'est normal, c'est sorti aujourd'hui. Ouais. Mais déjà numéro 1, donc voilà, comment ça va? J'ai envie de te demander, mais a priori bien. Ouais, très très bien. Content de ce projet, beaucoup de boulot. Ouais, beaucoup de boulot, on s'est acharné sur le taf et puis ben voilà. 34 après, morceaux avec quand on compte l'intro, bien sûr. Grave, oui. 34 morceaux et j'en ai fait 44, j'ai dû en virer 10, ça tenait pas sur 80 minutes donc. Et tout ça en quoi? Un an, un peu moins d'un an en fait. 6 mois. 6 mois, ouais. Depuis le carton du précédent, il y avait des morceaux déconnectés que tout le monde a entendu. Voilà, on a fait le tube de l'été l'année dernière et voilà, on est sur la continuité. Alors est-ce que c'est reparti avec Camro pour cette année? Ouais, on est sur Panam. On va pouvoir le découvrir évidemment ce morceau et le passer tous les soirs aux alentours de 20h avec le début du Planet Rap. Et nous on a préparé un medley, une petite session medley de cette mix party. Amida, écoute ça. Yes, yes. Trap DJ Amida. Amida, remets-nous du bon son. Planet Rap DJ Amida. Venez danser, c'est l'heure. L'heure de faire la fête. On danse pendant des heures. On la colle, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, puis j'ai campé. Dit orage de décampé. J'ai pas passé par la porte d'entrée. Puis la naissance, je suis fin prêt. À ma santé, à ma santé. Ceux des jaloux, les fois leur revêt. À ma santé, à ma santé. Ne crois pas, les causes sont bleues. Planet Rap, Planet Rap. On est tout de suite, y'a plus de billets, on est tout de suite. On est refait, on est tout de suite. On est tout de suite. Pour oublier mes problèmes, je danse quand même, je danse quand même. Pas de thunes, pas d'essence, pas de meuf, je danse quand même, je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme, je dépense quand même, je dépense quand même. Elle me trouve mignon, mais quand je pense comme elle, je pense quand même. Planet Rap. C'est Miss Vilaine, y'a pas de problème, elle prise tes chaînes. Non, non, non. Je voulais sortir, profiter. Let's go, let's go. Mais les meufs comme ça, c'est pas la peine. Toutes les filles. DJ Amida. Viens danser sur le mobilet. Viens t'ambiancer sur le mobilet. Viens t'ambiancer. Viens t'ambiancer. Viens t'ambiancer sur le mobilet. Viens t'ambiancer sur le mobilet. Viens t'ambiancer. Viens t'ambiancer. Parce que l'été ça va vite. L'été ça va vite. Fais péter le son, amigo. Faut baisser la vite. J'ai dit l'été ça va vite. L'été ça va vite. Fais péter le son, amigo. Faut baisser la vite. Planet Rap. Planet Rap. J'ai besoin de partir ailleurs. J'passe prendre du liquide cet été. On va foutre le fire. Dubaï, make less Miami, manque, j'kiffe la chaleur. DJ Amida, au platine, on vient jusqu'à Paris. Tous les soirs, 20h-21h, en direct avec DJ Amida sur Skyrock. Voilà un petit aperçu de ce qui se passe dans les mix parties, DJ Amida. C'est ça. Voilà, le nouveau numéro de mix party est dans les bacs depuis aujourd'hui. Un boulot de 6 mois, 34 morceaux. C'est ça. Sur cet album, c'est pour vous. Le choix, les lignes éditoriales, à chaque fois tu disais quoi aux artistes quand t'enregistrais? Ben non, déjà on essaie de choisir des très très bonnes combinaisons. Donc on leur fait d'abord écouter les prods et on leur propose les combinaisons. T'as fait toutes les prods non ou Plus ou moins, pas toutes. Pas toutes. Plus ou moins, pas toutes. Mais la plupart, ouais. Donc la plupart, en tout cas, c'est toi qui a choisi, toi. Ouais, moi et un mec de Toulouse qui s'appelle Prodveller, Bachir. J'ai passé une dédicace avec lui, on a fait ça et voilà. Bon, on peut citer quelques noms. Hein. Bah, y a évidemment donc Camro, dont on va parler dans un instant avec le morceau. On est sur Panam. Y a Niro qui est présent dessus. Yes. Il y a Red Cross, yes. Nos amis belges. Sultan avec Charlie Bell. Il y a Canardo. Il y a Mister You. Mister You qui est présente, James Ismad aussi de retour. Yes. El Matador, il y a LECK, enfin il y a tout un tas de noms qu'on pourra découvrir cette semaine entre 20 et 21. C'est ça. Et un petit mot sur Camro, on va écouter le morceau qui s'appelle Panam. Yes. Comment il est né celui-ci? Donc ce morceau, comment il est né? Il est parti d'un délire que j'avais un délire avec Camro. Souvent on était plus, parce que étant donné qu'on est des mecs de soirée, moi et lui, on se croise souvent en soirée et il s'avère que il fallait qu'on fasse un truc ensemble, quoi. Et par la suite, tu m'entends bien? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, ok. Donc par la suite, on s'est capté, on est parti au studio et puis ben. Et ça a donné, on est sur Panam. On est sur Panam. Le son, il est. C'est toi qui l'as fait celui-ci, on est. Oui, oui, c'est moi. T'avais une idée précise de ce que tu voulais déjà? Je voulais un petit délire un peu up tempo club. Et voilà. Et lui, étant donné qu'il avait fait un truc qui s'appelle l'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau, ouais, ça ouais, c'est. C'est un truc qu'il avait fait lui et que ça avait bien pris. Donc on s'est dit, vas-y, pourquoi pas. L'alcool, c'est de l'eau. Ouais. Dépend du degré, mais c'est pas le même degré. Ouais. C'est de l'eau, c'est de l'eau. D'ailleurs, il y a une petite référence dans le morceau aussi. Ouais, il a fait une petite référence dans le morceau, il a fait un petit clin d'œil. Donc voilà. Alors, on l'écoute Panam maintenant. DJ Amida, il a pris le contrôle de cette semaine dans Planète Rap avec son projet qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. DJ Amida, Miss Party 2015. Depuis des mois, ça parle sur moi. DJ Amida, DJ Amida, sans me connaître, tu parles de moi. Camo. Si, si, c'est dans les bacs, la famille. Faut aller pécho, envoyez vos photos. On lit tous les messages, vous inquiétez pas, il y a des t-shirts à gagner. On est sur Panam, on est sur Panam. On est sur Panam, on est sur Panam. On est sur Panam, on est sur Panam. On est sur Panam, on est sur Panam. On est sur Panam. Je suis refait, je vois les plus belles women. Mon cœur qui s'emballe, des bois, des chichas remplis de vandales. Je joue le blindé, mis à côté, gamos de taré. Bienvenue sur Panam, on détourne ta femme sans état d'âme. On est sur Panam, si t'as pas dosé, c'est un scandale. Ici c'est normal, de claquer ça paye dans des Jordan. De la tête aux pieds, les gars sont soignés, rasés, contournés. Welcome to Panam. Pas de mesdemoiselles, que des mesdames. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. Réagissez avec le hashtag, des t-shirts à gagner. Hashtag Didier Hamida sur Skyrock. Aïe aïe aïe. La ville où la folie se pavane. Même la capitale te dira que la banlieue fait son charme. Si tu te fais caler, ne sois pas fâché, y'a d'autres soirées. Bienvenue sur Panam, là où les videurs jouent les vandames. On est sur Panam. La différence est notre plus belle âme. S'il y a du vacarme, c'est que j'envoie de la musique en rafale. Ils me détestaient, je les ai ambiancés, ils m'ont validé. Viens donc sur Panam, où la colle c'est de l'eau man. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. Camro à l'instant sur le projet DJ Amida. On est sur Panam. Voilà, gros morceau celui-ci. Gros morceau au club. Franchement magnifique. C'est vrai, en tout cas. Tu l'as testé d'ailleurs même avant de le mettre sur le projet. Je fais souvent ça moi. Tu testes souvent. Ouais. Alors celui-ci. Ouais, il a bien pris. dès qu'on entend la voix de Camro, ça y est, ça prend. Bon, bah très bien, on aura peut-être aussi d'ailleurs des surprises durant peut-être. Cette semaine, du live. Ouais, beaucoup de live. Qu'est-ce qu'il y a de prévu ce soir pour avant 21h? Un petit live, on va vous emmener une petite surprise pour ce soir. Ah, petite ouais. surprise Ouais, petite surprise. Tu dis rien pour l'instant? Pour l'instant, non, rien. On va faire un petit jeu avec Amida, c'est les vues sur le net, tu me dis vrai ou faux. Si c'est... Les vues sur le net, vas-y. Ouais, parce que c'est des trucs, tu sais, sur le net, on vérifie, on est le bureau de vérification du net. Il y a trop de d'ebs sur le net, il y a trop de mythos. Tu vois, il y a pas mal de trucs, c'est pour ça qu'on vérifie généralement. Généralement, donc par exemple, si je te dis le tube déconnecté a été fait en quelques heures, tu voulais même pas le mettre sur le précédent projet, c'est vrai ou faux? Non, c'est du balnave, non, c'est pas vrai. Ah ouais, tu voulais ce morceau déconnecté? Ouais, je le voulais. Je le voulais. C'était quoi l'histoire déconnectée avec... L'histoire déconnectée l'année dernière, en fait, on était à la fin de l'album. J'avais fini tous mes morceaux et on avait ce sentiment, il faisait super beau, je me rappelle ce jour-là, et on avait tout ce sentiment de vouloir, voilà quoi, arrêter le studio, sortir la compile et voilà quoi. Donc c'était un ras-le-bol. Et le truc, c'est que c'était le ras-le-bol, les gens se sont reconnus dans ce ras-le-bol. Donc c'est pour ça que le morceau a parlé à tout le monde, tu vois. Tu suivais les vues, les clips, combien de fois c'était vu sur le net et ouais, tout. J'ai suivi et franchement, ça a pris de ouf. Bon, continuons ce vrai ou faux du net. Tu as fait le son Paname parce que t'es supporter du PSG? Non, vraiment pas. Non, vraiment rien pas. À voir avec le foot. Je supporte le PSG sur FIFA 15, si vous voulez le savoir. Mais autrement, c'est tout. Non. Ça s'arrête, c'est... Hein. Non, j'aime beaucoup cette équipe. Bah, d'ailleurs, ils sont champions, donc félicitations à eux. Donc maintenant, moi, je les prends. Je suis pas très foot, en fait, tu vois. Je suis pas très branché foot. Il s'avère que sur FIFA 15, je prends le PSG. Voilà. Voilà, c'est juste, juste là-dessus. Voilà. Bon, vrai ou faux, ton succès n'a rien changé à ta vie au quotidien? Non, de ouf. C'est vrai? C'est toujours la vie de Amida au quotidien? C'est quoi? C'est studio ou c'est repos? C'est studio, c'est soirée? Ouais, studio, soirée. Studio, soirée, voilà. T'étais où ce week-end par exemple? Ce week-end, hier, j'ai fêté mon anniversaire. J'étais sur les quais d'Ivry au canal. Bon anniversaire d'ailleurs. Merci à toi. J'étais où? Que j'ai même pas, tu sais même plus où t'étais. J'étais au Luxembourg, je crois. Ouais, okay. Je tourne tellement avec le studio, avec toute la promo, donc voilà. Quoi. Bon, vrai ou faux, les critiques sont importantes pour toi? Tu suis beaucoup les critiques? Ouais, plus ou moins. Et j'y réponds des fois en plus. Ouais. Je suis un gros gamin. C'était quoi le truc le plus, la critique la plus dure que tu aies pu recevoir? La critique la plus dure que j'ai pu. Ou qui t'a touché? Celle dont tu te souviens? Ah non, j'ai rien qui me touche. Moi. Ouais. Les seules critiques qui me touchent, c'est venant de mes parents. Vraiment, il n'y a rien qui me touche. Bon, ça va, ils sont contents de l'amitié. Ouais, c'est ouf, ils sont fiers de moi. Bon, vrai ou faux, tu es fan des reprises qu'on fait de tes sons? De fou. C'est vrai? De fou. Tiens, celle-ci par exemple. Ouf. Les bourrelets. Ouais. Louis Nounours. Lunette de Pardieu. En même temps, sur Déconnecté, il y en a une sacrée. Ouais. Sacrée pelletée de reprises. Grave. Ça la tue. Big up à vous les reilles. Bon, on attend les prochaines reprises de Paname aussi. On c'est déjà parti ou pas? Il y a déjà eu ou pas? Non. Non, pas encore, ça va arriver je pense. Et bah balancez, n'hésitez pas. Avec plaisir. Vrai ou faux, ton rêve c'est de faire un mix au Stade de France devant les 80 000 personnes? Ouais, de ouf. C'est vrai? Ouais. Ça serait un gros kiff. Et ça avance ou ça avance pas? Ah, c'est en cours, Inch'Allah, on verra. D'accord. Enfin, tu as sorti ton album le 25 mai, donc aujourd'hui, parce qu'hier c'était ton anniversaire, le 24. Tu nous le disais à l'instant. Ouais, non, je voulais le sortir le plus tôt encore. C'est vrai? Non, donc après. Ça n'a rien à voir avec ta date d'anniversaire? Non, c'est tombé pile poil. Donc elle est belle. On avait un petit truc pour toi pour ton anniversaire. Vous avez quoi? Un petit cadeau. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte pour DJ Amida, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut chanter, attention, joyeux anniversaire. Joyeux. Non mais il n'y a rien, attends, il n'y a rien. Casse pas le truc, laisse la porte fermée pour l'instant, c'est une surprise. Attention, on reprend. Joyeux anniversaire, DJ Amida. Joyeux anniversaire. C'est vrai que le cadeau. Ah, ouais. Ah non, vous avez même pas allumé le petit truc. Non, même pas. Ah ouais, gros champomis. T'imagines Ah ouais. Ah bah putain, ça marche, hein. Ça a cartonné déconnecté. Hein. Je me demanderais où est passé l'argent. Ah là, oui, des champomis. Et bah voilà, bon anniversaire. Merci, 29 pitch DJ Amida à l'instant. Allez, fais un vœu et souffle. Voilà, C'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est fait. Et bah, que ça se réalise avec cet album aussi, qui sont un carton, celui de Amida. Merci. Mix Party, on écoute un morceau maintenant ou dans quelques minutes? On écoutera dans un instant. Tiens, on va passer le nouveau son de Jeremiah tout de suite sur Skyrock. Okay. We'll be right back. tonight belongs to you. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec DJ Amida qui a été refait avec une bouteille de champagne pour son anniversaire, franchement. Lourd. T'as vu ça, on est bien. Non, en plus, c'est vrai que je l'ai pas cité, mais tu es un nouvel artiste de chez Def Jam. Oui, je suis un artiste de chez Def Jam. Qu'est-ce qui se passe là-bas, rien. Ils savent que je bois pas d'alcool. Enfin bon. Je bois que de l'eau. Rien que de l'eau. Ouais, que de l'eau. Même en soirée et tout, même pas non, un moment. Que de l'eau, non, aucun c'est... dérapage. Non, pas de dérapage. Vous ne verrez jamais Amida Carpet. Non. C'est contre ma religion, ça. C'est vrai, c'est. Non, toi, c'est le son. Moi, c'est le son, c'est tout. C'est bourré au son. Ouais, c'est déjà assez. Ouais. Et beaucoup de soirées, on me disait, parce qu'on a parlé des soirées à venir, mais tu pourras annoncer celles qui. Ouais, celles qui arrivent là. Non, on a parlé des soirées passées, pardon, passées l'avenir. À partir de jeudi, jeudi, je serai au Baudi, sur les quais de, sur le quai de Bercy. Vendredi, je serai du côté de la Belgique, au Fellini. Samedi, je serai au Hype à Metz. Et dimanche, je serai au Havane Café à Lille. T'as compté combien de dates tu fais, grosso modo, par année? Moi non, mais les nœuds ils doivent compter, ouais, je sais pas. En fait, j'en fais tellement, je sais pas. C'est vrai. Chaque week-end, de façon, t'es parti. Ouais, bah, il faut être sur le terrain. Je suis un mec de terrain. Mmh. Et si tu vas pas à la rencontre de ton public, ça sert à rien. C'est comme ça que la machine elle tourne. C'est comme ça que t'arrives aussi à sentir les sons qui sont. C'est ça, voilà. Est-ce qu'ils sont tous testés ou pas tous? T'as pas le temps de tous. Pas tous, mais Nadé, que j'ai une petite team à qui je fais écouter les morceaux et voilà. Et autrement, je les teste en soirée. Bon, on va écouter un extrait justement. Je vous ai promis un extrait de Mix Party. C'est un morceau avec LECK. Ouais, mon frère LECK. LECK, le frangin. Ouais, le frangin, il est là depuis le début, donc je le big up, hein, toujours. J'ai fait un son avec lui, Je danse quand même. Et que j'ai particulièrement bien aimé. J'ai eu beaucoup, beaucoup de bons retours sur ce morceau. Et bon, on l'écoute maintenant, c'est extrait donc, du projet. Donc lâchez vos commentaires, on vous écoute. Le hashtag DJ Amida sur Skyrock. C'est dans les bacs, la famille. Aïe, aïe, aïe, DJ Amida Mix Party. On est là, premier sur iTunes. Et le CK. Je voulais inviter Stroma, mais c'est trop cher. Maître Gims pour me refaire. Indila, succès planétaire. Personne ne répond, y'a plus rien à faire. Je voulais faire un beau clip dans une boîte à Miami, Dubaï ou Punta. Ok, on néglige comme ça. Je reviendrai comme un loser. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Les gens sont mauvais. Je danse quand même, je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme, je dépense quand même, je dépense quand même. Elle me trouve mignon, mais con, je pense comme elle, je pense quand même. Je voulais inviter Nicky, viens la Habibi. Ou la femme de Jay-Z. Dans mes rêves, j'ai rien compris. Qui est dispo à part Jenali? Oh my god, oh my god. Voisins m'espionnent, rien à faire, je fais genre tête en l'air, je suis du père, j'ai la flemme quand on me questionne. Les gens sont mauvais, oui mauvais, les gens sont mauvais, oui mauvais, les gens sont mauvais, oui mauvais, les gens sont mauvais, oui mauvais. Yeah. Pour oublier mes problèmes, je danse quand même, je danse quand même. Pas de thunes, pas d'essence, pas de meuf, je danse quand même. Je dépense quand même, je dépense quand même. Elle me trouve. endormi à moitié. Pas de projet, la vie m'est décrochée. Maman veut me jeter, le pôle emploi m'a radié. Je traîne plus au quartier. Maintenant c'est la MJC, je sais. Plus je me néglige dans cet art, je me rapproche du c'est trop tard. Pourtant on demande peu de choses, juste un féfé et une Audemars. Beaucoup te sourient par intérêt, où est leur tort, on a tous un frigo. Je veux juste rendre mes parents fiers, ensuite promis, je tire le rideau. Pour oublier mes problèmes, je danse quand même, je danse quand même. Pas de thune, pas d'essence, pas de meuf, je danse quand même, je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme, je dépense quand même. Elle me trouve mignon, mais con, je pense comme elle, je pense comme elle. Pour oublier mes problèmes, je danse quand même, je danse quand même. Pas de thune, pas d'essence, pas de meuf, je danse quand même, je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme, je dépense quand même, je dépense quand même. Elle me trouve mignon, mais con, je pense comme elle, je pense comme elle. NECK, je danse quand même sur le projet Mix Party 2015. Ça y est, dans les bacs depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, le son de l'été. On dit ici, j'écoute et je regarde le Planet Rap de DJ Amida. Les vapeurs de Chicha sortent de mes enceintes. Ah ouais, carrément. C'est vrai que c'est un peu Chicha Party aussi, son. Ouais, calme. Ouais, tranquille. Tranquille. Bon, on écoutera d'autres extraits. Une surprise, tu nous as dit une surprise plutôt en live. Ouais, en live, ouais. Il vient d'arriver d'ailleurs. Avant 21h, ne bougez pas, le Planet Rap de DJ Amida revient après ça. Le Planet Rap avec à l'instant le son de Kendrick Lamar et DJ Amida, notre invité toute la semaine entre 20 et 21. Yes. Je crois que la première surprise est arrivée. Oui, il est arrivé. Hein. Il est arrivé, il sera chaud. Présent en live d'ici quelques minutes. Si, si. Yeah. Comment ça va, Cameron? Enfin. Très, très bien. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Et la tarte est bonne? Très, très bonne. Joyeux anniversaire, mon ami. Hein. Merci, mon chef. Très bonne. Hein. Tarte et hamish, oui, mon frère. Cameron, petite présentation. Donc, pour les gens, il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert. Oh là là, il y a une arrivée massive dans le studio. C'est Zaki 19. Ça va bien, messieurs, en pleine forme? Non, Cameroun, je vais avoir un petit CV express de ce que tu as fait, de ce que tu comptes faire, de ce qui t'arrive. D'accord, bah Cameroun, 27 ans. Donc, comme j'ai entendu avec Amida, bah, j'ai commencé en tant que DJ. Ça fait à peu près un an que j'ai commencé à poser sur les sons. Donc, j'ai fait l'alcool, c'est de l'eau. Et ensuite, on a collaboré avec Amida pour Panam. Et puis, entre-temps, bah, j'ai fait les soirées. Beaucoup d'ambianceurs. Voilà, notamment avec DJ Abdel. Dédicace à lui, ouais, d'ailleurs, au grand Abdel. Et donc, maintenant, on est là pour Planet Rap pour soutenir le proto Amida et le morceau Panam. Que tu nous feras en live tout à l'heure. En live and direct, mon ami. Et bah, ça arrive dans quelques minutes. Juste avant, je vous présente, c'est Denfima de Toulouse. Ouais, c'est moi-même. Ça va bien, Denfima? Ça va et toi? Eh ben en pleine forme, on est avec Amida pour son projet Mix Party. Yes. Et ses invités. Et toi tu viens rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone, on t'écoute? Exactement, c'est parti. D-E-N-F-I-M-A 1. D-E-N-F-I-M-A 1. Ok, ça fait. Nouveau missile que je distille, nique le pif ton fils, ton fils, ton film, que du mauvais 50. Je pleurerai pour chaque frère ou chaque sœur, tricheur, non, je connais les règles et j'en ai sali des t-shirts. Hein. Élevé loin du macadam et des drames, drames, j'fuse mon flot dans ma sueur et mes larmes, larmes. Plus je rappe, plus je m'isole, plus je fous le feu, plus je m'immole, plus j'ai la mimole, lol. Tu trouves ça mimi? À part des problèmes de santé, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis ici, y'a pas de souffle. Si t'as pas de souffle, reste en marche. Si tu prends le mic, sors couvert, c'est tellement de classique. On m'appelle Schubert, hein. Au naturel, je m'en fous, si je vous rends fou, diplômé de l'école, du lyrique, de pantouf, je tente tout et je rends flou les caisses de pièces d'or, je marche en pantouf sur les braises. Je fous les MC sur le banc de touche, je suis ce président, tu vois lequel j'en doute, celui qui ne doute pas, lorsqu'on lui dit est-ce qu'on shoot, je rappe depuis la bouche de la Joconde. Quand est-ce qu'on l'ouvre? Mettez les rappeurs à l'abri. La musique est une boussole, alors je veux bien donner du sens à ta vie. Revois la lentille, héros, sans qui le rap ne vaudrait pas un centime, mais serait sans style. Revois la terreur, me défier, y'a erreur. La rumeur dit que Jésus-Christ m'appelle Seigneur. Au lieu de raconter des banalités, je me surpasse, je suis le premier paralysé qu'à marcher sur Mars. Hein. Sur Skyrock, moi, je parle pas de pare-balles. T'avais jamais entendu de rap donc capable. Je passe un gros big up à Fred et à Leslie, tous ceux qui me découvrent et tous ceux qui apprécient. Yes, à l'instant. Yep, yep. Si, si. En freestyle, c'était yep. Monsieur Denfima de Toulouse. Merci D-E-N-F-I-M-A, à toi. D-E-N-F-I-M-A, exactement. On peut te retrouver où alors?

toujours faire. Ok, bon, il y a du monde dans les studios. En mode soirée, ta boîte de nuit, mon frère. La balance la musique, Skyrock, c'est de l'eau, ma boy, let's go. C'est champagne, vodka, whisky, coca. Champagne, vodka, whisky, coca. Et mets-toi bien, on dirait de Skyrock, ma boy. DJ Amida, canonisation dans la maison. Train de musée, il a aussi va l'enlire. Il bouge la tête en plus, ma boy. Champagne, boue vodka, champagne, whisky, coca, champagne, boue vodka. Tu peux commencer à te lever chez toi, tu peux commencer à danser, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout le monde, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau. J'entends rien dans les studios là, j'entends rien. L'alcool c'est de l'eau, mais oui. L'alcool c'est de l'eau. Comment c'est? L'alcool c'est de l'eau. On y va, c'est. L'alcool c'est de l'eau. Mais oui monsieur. L'alcool c'est de l'eau. Mais oui madame. L'alcool c'est de l'eau. Ah bon? L'alcool c'est de l'eau. Ah bon? Eh oui ma bonne, mets-toi bien. DJ Amida dans les bacs, va chercher le bonheur. Va chercher bonheur chez Auchan, Carrefour où DJ tu veux ma bonne. Yeah, fine music dans la maison, Franquito. On est ensemble. Yeah man. Ok. Yeah, dress. Ok. Tout le monde le verre en l'air. Tout le monde le verre en l'air. Tout le monde le verre en l'air. Tout le monde le verre en l'air. J'ai dit en l'air. En l'air. Amida mix, mix, mix, mix, mix, mix. Voilà. Tout le monde sait. Depuis des mois ça parle sur moi. Sans me connaître tu parles de moi. Et je vois ces gens sauter devant moi. Danser dans l'Oise sur un son à moi. On est sur Paname, on est sur Paname, on est sur Paname, on est sur Paname, on est sur Paname, on est sur Paname, on est sur Paname, on est sur Paname, on est sur Paname, yeah, on est sur Paname, je refais jouer les plus belles women. Mon cœur qui s'emballe, des boîtes, des chichas remplis vandales. J'ai dit je joue le blindé, une lisse à côté, gamos de taré. Eh bien nous sur Paname, on détourne ta femme sans état d'âme. On est sur Paname, si t'as pas dosé c'est un scandale. Ici c'est normal, de claquer sa paye dans des Jordan. Hey, de la tête aux pieds, les gars sont soignés, là c'est contourné. Welcome to Paname, pas de mesdemoiselles que des mesdames. Hey, on est sur Paname, on est sur Paname. On est sur Paname, on est sur Paname. Yeah, yeah, on est sur Paname. J'ai dit on est sur Paname. Yeah, yeah, on est sur Paname. On est sur Paname. DJ Amida mix party, fight music dans la maison, t'entends pas ou pas? Yeah, dédicace Noisy-Zé, Noisy Grand P4 ou P9, on est ensemble la famille. Ah oui ma boy, yeah. Deuxième couplet, les gars. Hey. On est sur Paname, la ville où la folie se pavane. Même la capitale te dira que la banlieue fait son charme. Si tu te fais caler, ne sois pas fâché, y'a d'autres soirées. Bienvenue sur Paname, là où les videurs jouent les vandames. On est sur Paname, la différence est notre plus belle arme. S'il y a du vacarme, c'est j'envoie de la musique en rafale. C'est ils me détestaient, je les ai ambiancés, ils m'ont validé. Viens donc sur Paname, où la colle c'est de l'eau man. Hey, on est sur Skyrock, on est sur Skyrock. Hey, hey, on est sur Skyrock. On est sur Skyrock. J'ai dit, c'est, on est sur Skyrock. On est sur Skyrock. Oui, monsieur, on est sur Skyrock. On est sur Skyrock. Ma boy planète rap. Les choses se passent à fond de ton fond, de ton fond, de la fonde, de la demoiselle, de la grand-mère, à la fille, de la cantine, à la fille, à sa maman. À sa. La fille, à sa maman. À sa. La fille, à sa maman. À sa. La fille, à sa maman. C'est de l'eau, yeah, go. Hey. Depuis des mois, ça part sur moi. Sans me connaître, tu parles de moi. Je vois ces gens sauter devant moi. Danser dans le noir sur un son. J'entends tout le monde. On est sur Paname. On est sur Paname. J'ai dit quoi? On est sur Paname. On est sur Paname. Tu peux chanter, hein? On est sur Paname. Tu peux chanter, hein? On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. Oui. On est sur Paname. Mais j'entends rien là. On est sur Paname. On est sur Paname. Hey, on est sur Paname. Panam. J'ai dit on est sur Panam. Yeah, yeah, on est sur Panam. J'ai dit on est sur Panam. Mais Fred, arrête de faire le timide. Arrête de faire le timide, ma boy. On est sur Panam. J'ai dit on est sur Panam. DJ Hamida, il est dans la maison. Va chercher Mix Party 2015, ma boy. On est sur Panam. Yeah, Carbonisation 2.0, c'est de l'euro. Yeah, man. Five music in the building, ma boy. Infini, là aussi. Yeah, man. Va chercher, hein. Va chercher Hamida, Auchan, Carrefour, Fnac, où tu veux. Même chez le Michoui, même chez le rebelle du coin, il a le CD. Il a le CD. Hamida, Carbonisation, c'est de l'eau. Ce n'est que le début. Five music, les gars. À l'instant, live. En plus, je souffre pour toi, mon pauvre. Parce que non, faut pas souffrir pour moi. Il est sur c'est une patte. Bête blessée. Il est sur une patte, Cameron. C'est non, une bête blessée. Je suis pas une bête blessée. C'est Cameron, la petite bête blessée. Non, fais doucement, Amida. Fais doucement, mon frère. Fais doucement. Ça n'empêche pas d'ambiancer, hein, Cameron. De ouf. Ah, tous les messages, voilà, Cameron qui a pris le contrôle de ce Planet Rap avec en effet le projet DJ Hamida et le morceau On est sur Paname qu'on écoutait à l'instant. Un petit mot, comment tu te souviens comment il est né celui-ci, le On est sur Paname? Ouais, exactement, bah, comme il a dit Hamida tout à l'heure, je l'ai rencontré plusieurs fois, ça fait quelques années qu'on se voit en soirée, via Abdel, et puis bon, bah, il faisait son projet, il m'a contacté, il m'a donné une prod un peu house, électro, etc. Et puis l'idée de Paname est venue avec mon équipe qui est avec moi. Et donc on a voulu faire un son sur Paris en général, tu vois. Mmh. Pour son mais projet. Qui peut toucher tout le monde. Il touche tout le monde. Il touche tout le monde. C'est notre vision de Paris. Ce qu'on voit aujourd'hui en 2015 de Paris. Moi-même qui est de la province, quand je monte sur Paris. Ah oui, c'est vrai. Rappelle d'où tu viens, toi. Je suis de Mont-Solémine. Voilà. Hein, Marley Gaumont. Est-ce qu'on pourrait faire une version on est sur Monceau, peut-être? Non. Non, mais tu. À Paris. Mais toutes les villes, elles peuvent le décliner. Après, voilà. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Bah justement, on attend cette semaine, si vous avez votre version aussi, vous nous la balancez. Il y a un jeu concours aussi à midi. On peut repartir avec des t-shirts, c'est ça? On peut repartir avec des t-shirts. Donc, il suffit d'envoyer vos photos avec le CD. Avec le hashtag DJ Hamida sur Skyrock. Voilà. DJ Hamida sur Skyrock, vos photos. Et on envoie les t-shirts. Et vous envoyez des t-shirts. Il y a un critère précis, non, pour les photos? Non, même pas. Même pas. Pour non. Tout le monde. Beau gosse sur la photo. Beau gosse, voilà. Ou belle gosse? Beau gosse, belle gosse. Les t-shirts, c'est taille unique. Voilà. Mais quelle taille? Taille unique. Taille unique. Voilà, c'est taille unique. Plutôt vers le bas ou plutôt vers le très ça, fort c'est... Ça dépend de comment maman t'a donné les. Ah, les... Ça. Voilà, tout dépend. Ah, papa. Et bah, balancez les photos avec le hashtag DJ Hamida sur Skyrock. Qu'est-ce qu'on fait? On remet un morceau? Tu voulais nous présenter quelqu'un, Hamida? Ok, je voulais te présenter un ami à moi. Un très très bon ami à moi, W, qui est venu nous rendre visite. Qui est présent, qui est présent. Ouais, qui est présent et qui est présent aussi sur la Mix Party 2015. Donc voilà, il est là, il est avec nous. Je te laisse prendre place. Voilà, installe-toi, W. Ça va bien? Ça va et toi? En forme? Ouais, ça va. Tranquille. Petit CV Express de W. C'est normal, la folie, on est là en direct. Exactly 19, voilà, avec l'équipe KSX. On est là, on est venu donner la force au frérot qui fait du bon boulot. Puis voilà, quoi. Non, je voulais voir un petit CV Express de toi, W. CV Express. Qui est sorti, ce qui va sortir, ce qui arrive. Qui est sorti, qui même me suit, il est sorti le 2 juin 2014. Mm-hmm. Il est toujours dispo sur iTunes. Qui même me suit, voilà, W. Et sinon, bah, on bosse pour octobre, novembre. Je pense que je vais sortir un EP. Et puis voilà. Et puis en attendant, on te retrouve aussi sur le projet. Exactement. Mix Party. À la bien Mix Party 2015. Gros. Entre 20h et 21h. On va finir avec un morceau, Hamida, ou un live? Qu'est-ce qu'on fait? On finit avec quoi? On avait prévu un morceau, non, c'est ça? Le Miss Vilaine. Miss Vilaine? Ouais, c'est ça. Eh bah, très bien, on balance Miss Vilaine maintenant. Avec, vas-y. Avec LECK, l'artiste, et Big Ali. Et Big Ali sur ce morceau, c'est extrait de la Mix Party. C'est ça. Clap your hands, everybody. We about to go in. LECK, artiste, and Hamida, and Miss Vilaine. Révèle, parfumée par l'oseille, hey. You welcome Miss Vilaine. Elle dort sur le carrelage rouge loup boutin. Son répertoire rempli de jumpy. Elle danse jusqu'à la. Si la famille Miss Vilaine en téléchargement gratuit sur dj-hamida.fr. Et n'oubliez pas d'envoyer vos photos, on est là la famille. On vous lit, on vous écoute, on est là. Aïe aïe aïe. Miss Vilaine est là. Mais elle quelle fraîche. C'est Miss Vilaine, y'a pas de problème. Elle brise tes chaînes. Je voulais sortir. dédicacée à toutes les Miss Vilaines, toutes les forceuses. Aïe aïe aïe. Elle fait flipper, c'est le croque-mitaine. C'est la seule qui veut monter sur scène. Elle marche en équipe, que des vilaines. Elles sont 11, c'est le capitaine. L'artiste baby. La meuf saine, mais elle est plus sale que la scène. Si les rats avaient un royaume, ce serait la reine. Oh Miss Vilaine, Miss Vilaine, ne me dis pas que tu m'aimes. Je ne pourrai jamais m'y faire. Voilà, tu peux des oh là, la mix party de DJ Hamida qui est dans les bacs depuis aujourd'hui avec ce morceau, vous le DJ retrouverez. DJ Hamida mix party disponible. L'artiste LECK sur ce morceau. C'est ça. Ce qu'on écoutait à l'instant. Miss Vilaine. Ouais, Miss Vilaine. C'était un petit trip qu'on a fait, moi, LECK, Big Ali et l'artiste. Entre 20h et 21h, il y aura des surprises tous les soirs. Camero est venu ce soir. Voilà. Et yes, ambiancé ces deux lives avec ton morceau L'alcool, c'est de l'eau. Hein. Ah, c'est de l'eau du robinet, gazeuse, tout en même temps. Et puis bah Paname, on est sur Paname. Et on est sur Paname évidemment, qui est le gros carton du moment. Ah, j'espère. Voilà. Et bah numéro 1 des ventes, tu sais ça. Hein, oui, je sens. Tu as suivi toi. On est connecté. On est en mode de pas déconnecté toi. Non, on est connecté. Tu t'es reconnecté, ouais. On est connecté. Donc ça fait super plaisir pour le frérot. Le gars, il a commencé seul, il s'est entouré de bonnes personnes, etc. Donc ça fait vraiment plaisir que un mec comme ça puisse être numéro 1. Ça fait plaisir. Merci. Exactement, à toi, ma pote. DJ Hamida mix party. Fais gaffe aux lunettes quand même. Hein. 2000. Et toi Camero, c'est quand les prochaines sorties pour toi là? Qu'est-ce qui arrive? Moi, ce qui arrive, c'est que là, on prépare le premier album. Le premier album se prépare. Donc, on est en plein studio là en ce moment. Donc, on est dans la salle du temps. Et j'espère d'ici la rentrée, il y aura quelque chose qui va sortir. Il va s'appeler Je m'en fous ou pas? Non, pas Je m'en fous. Mais il va plutôt s'appeler, je pense, je peux te le dire, ça va s'appeler La musique, c'est de l'eau. La musique, c'est de l'eau. Voilà, exactement. En exclu pour Skyrock. Eh bah, cool. Donc, on attendra ça. Dans les mois bon, dans ouais, les à partir de la rentrée, tu auras du nouveau, exactement. Avant 2015, avant 2016. Ouais, comme ils disent, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. C'est ça. Et puis en attendant Camero et ce morceau, on est sur Paname. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre le nouvel album de Youssoupha. Plus 50 euros de chèque cadeau. On vous met bien, non? Salut Oriane de Foix. Salut. Ça va bien? En pleine forme? Ouais, de fou. Et bah, je te présente DJ Hamida, il y a Camero, il y a W. Salut. Qui est là aussi avec nous. Salut à toi. Salut copine. Voilà, il faut pas oublier aussi Zaki 19 qui est parmi je nous. Je suis désolé, j'avais oublié. Ah, Zaki 19. Voilà. Ça va, merci à toi. Bon, tu es prête à faire tourner la roulette? C'est Youssoupha dans la roulette. Ouais. Avec un gros album aussi pour Youssoupha qui est sorti la semaine dernière, pardon, Négritude. Attends. C'est un stop en équipe. Très bien. Ouais, avec la maman. C'est un stop familial. Ouais. Et bah pour toi, Oriane, c'est l'album Négritude de Youssoupha avec 50 euros en chèque cadeau qui arrive pour acheter ce que tu veux. Ah, merci, ça fait plaisir. Si tu veux acheter l'album de DJ Hamida, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Il est disponible. Ça fonctionne aussi. C'est pour dire en cachette que va l'acheter dès demain, là, avec mes heures du matin. D'accord, je vais pas encore. C'est une manière gentille de te le dire. Voilà. On te fait un bisou, Oriane. Bisous à toi. Je peux passer une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Alors, une dédicace aux gens de Paris, Juliette, Ginger 1 et 2, Chérie Jem, la Toulousaine, Carice de la Night, Ames, Antoine et Coco, il y a Aaron et Lien aussi. Après, aux gens de la City, Julie, Jordi Gaga, une future star, Anouk, Manon, Estelle, Maguada, Yamna, Alicie, après, aux gens de Nantes, Lucie, Alice, Audrey, la famille, je vous aime, le frérot qui m'écoute, et grosse dédicace, vous êtes les meilleurs. Et puis Amida et toute l'équipe. C'est sur Mix Party 2016, ça arrive. Merci à toi, Aurélien. Enfin, bisous. Passe une bonne soirée. Petite dédicace aussi à passer. Ouais, moi, bah, comme ils m'ont entendu à la radio, le quartier, ils vont pas être contents. Ah. Tu sais, là, c'est compliqué. Où le quartier chez toi? Moi, Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand. Voilà, exactement. Donc, on va dédicacer tout Noisy-le-Grand. Pekazu, Pavé 9, Welcome, Monsieur So, bah, toutes les personnes qui m'ont reconnu. Tu vois, on fait un peu le mec. Jamais, on n'est jamais parti en radio. Et dédicace également à ma deuxième ville, Bordeaux, Monsieur Mad, Monsieur Rolly, mon équipe Five Music, A4 qui est avec moi. J'ai mon ami, mon petit frère qui est là, Franquito, Béné, Monsieur Infini, Abdelessi également, que je sais que tu m'écoutes. Donc dédicace à toi dans ta voiture, hein, mets un peu le volume. Hein. Et puis bah dédicace à Amida, allez pécho, mais pécho pour de vrai, pas pour de faux, l'album de l'été. Voilà. Voilà, merci à toi Cameron, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Oui, oui, Facebook Cameron Officiel, Instagram Cameron Officiel et Twitter Cameronisation. Cameronisation. Voilà, Cameronisation et Cameron Officiel, Cameron C-A-M-R-O Officiel, bah, comme officiel. Merci à toi Cameron, voilà. Merci à W aussi. Merci à W d'être venu aussi. Zaki 19, Zaki 19, évidemment. On peut pas le louper, sur Snapchat, il est là. Amida, demain tu seras là aussi? Demain je serai là. De retour avec Mix Party, d'autres surprises aussi demain? Grosse surprise encore demain. J'ai jamais vu dans ton studio. Jamais vu? Ouais, attention. Demain je te fais. Parce qu'il s'est passé des choses ici. Ok, y'a pas de soucis. Jamais vu. Ce que je fais demain, je l'ai jamais vu dans ton studio. Et bon, on sera là demain entre 20 et 21. Y'a pas de problème. Mais donnez-le à la bouche. Vivement demain sur Skyrock D-Fool. Oui, Fredo. Est-ce que tu es là toi aussi? Oui, on est là. Tout va bien? Tout va bien. Oui, tout va bien. J'ai vu que ça présentait Monceau les Mines ce soir. Eh ouais, Monceau les Mines, on est là, ma gueule. DJ Amida from Monceau les Mines. Eh ouais, comment tu vas, mon sahab d'Autun? Bien ou quoi? Ça va bien. Très très bien. Il est là, il arrive. Autun arrive. Ouais, ils arrivent. Après Monceau les Mines. Romano. Ouais. Une émission. Ils sont où? Une soirée très Bourgogne. On est dans le studio. On est caché. Dans le studio d'à côté, Cameron. Ah, je vous vois pas, je vois pas l'écran. Eh ben, c'est normal. Ah, c'est pas. De l'eau, l'équipe, c'est de l'eau, les gars. Eh oui, Skyrock, c'est de la radio. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Je le dis depuis toujours. Ouais, ça, ouais. Voilà, exactement. Ça, on a bien vu, Maria. Bah oui, tu me connais. A priori, ce soir, elle n'a pas consommé. Non, ça va, là, pour l'instant, pas encore. C'est pas encore. J'entends la douce voix de Romano. Oui, bonsoir, Amida. Comment tu vas, mon pote? Ça va, depuis ma reprise de Déconnecté, ça va? Ah bah bravo. T'as fait du buzz ou quoi? Oh grave. Ah bah attends, tu crois quoi? La prochaine c'est pour Paname. Hein. Ouais, là en fait, ouais, c'est bon, y'a pas de problème. On est sur l'alcool, le temps. C'est de l'eau aussi, j'aime bien. J'attends le remix de l'eau et Paname de l'équipe. Hein. Ah, on a jusqu'à vendredi alors. Vas-y, voilà, vendredi. Vas-y, on fait le remix, on est de Bourgogne. Hein. C'est ça. On est sur Autun. On est sur Autun. Ça fait moins rêver quoi. Oui, c'est clair. C'est moins sexy. Parlerait de quoi? De l'Intermarché d'Autun? Du McDo? Non, c'est Leclerc. Ah, Leclerc, pardon. Ouais, c'est Leclerc. On va parler de la ZUB de Monceau aussi. On est dans Leclerc. on est dans Leclerc. Bon, allez, tu nous prépares ça, Romano, alors? Ah bah ouais, grave. Ah bah oui, carrément. Non, c'est pas prévu là, mais le remix, c'est du volume. On va essayer d'instruire, y'a pas de problème à toi de faire le taf. Merci Amida, merci DJ Amida, merci Cameron pour cette soirée, merci Fredo. Merci à toi, bon courage. De rien, merci à vous. Et le retour demain, 20h-21h, soyez là. Ouais. Avec des surprises et un studio comme on l'a jamais vu, d'après ce que j'entends. Oui, demain, il paraît. Demain, 20h. Bah, passez une bonne soirée, nous c'est parti jusqu'à minuit, en direct, 20h53 sur Skyrock. On arrive tout de suite avec Oti Genesis. Parfait. Ah oui, parfait pour démarrer la soirée. Et pour finir le week-end pour certains, parce qu'on est à lundi, il y en a qui finissent le week-end aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et ben on va finir le week-end ensemble. On départ la semaine ensemble et on démarre la radio libre dans un instant avec Oti Genesis, Amida Ovedo Coco. Amida, à demain. À demain. Fredo, à demain. Salut. Ciao, ciao. À demain. Et radio libre, ciao. À tout de suite. C'est parti pour la radio libre en direct sur Sky. Toute la journée sur Skyrock. Let's go.